Dans les HLM des Contamines, à Albertville, en Savoie, la police arrive à 7h du matin pour interpeller 4 personnes. Et elles fouillent, prennent en photo des livres, des versets du Coran encadrés sur un mur, saisissent du matériel informatique. C'est par bande de 7 ou 8, certains cagoulés et armés de mitraillettes, que les flics emmènent les suspects au commissariat de Chambéry, à 50 minutes. Les 4 sont suspectés d'apologie du terrorisme et de menace de mort, et seront retenus et interrogés sur ordre du procureur de Chambéry pendant plus de 10 heures. Environ 400 violations de la minute de silence, dans des formes parfois légères, parfois lourdes. Et bien entendu, chacune de ces violations est suivie de poursuites, de disciplinaires. Parfois même, il y a eu des poursuites pénales. Dans une école en Savoie, l'attentat à l'encontre de Samuel Paty a été évoqué lundi par le directeur, qui a mentionné les caricatures du prophète Mahomet. 4 de ses élèves de 10 ans ont justifié l'assassinat du professeur, arguant qu'il était interdit d'offenser le prophète et ajoutant qu'il tuerait leur enseignant s'il caricaturait le prophète. L'information a été relayée à l'inspection d'académie qui, conformément aux procédures, l'a signalé au procureur de la République. Le lendemain, les enquêteurs du commissariat d'Albertville étaient saisis de l'enquête sous l'autorité du procureur de la République. Le même jour, le directeur découvrait dans la boîte aux lettres de l'école un papier avec l'inscription « T'es mort » inscrite dessus. C'est la raison pour laquelle, hier jeudi, une opération de police était menée au domicile de ces 4 enfants. Les lieux étaient perquisitionnés. Les enfants, eux, étaient placés en retenue pour mineurs et ils étaient entendus par un officier de police judiciaire, ainsi que leurs parents. C'est donc sur des enfants de CM2 qu'a été ouverte cette enquête. Apologie, je ne connaissais pas. Le policier me dit « Votre fille est inculpée d'apologie du terrorisme. J'ai crié ma fille à 10 ans et elle est terroriste ? Mais vous êtes fou !» À ce stade, pourquoi avoir peur des mots ? Le ministère de l'Intérieur parle de retenue pour mineurs, comme un mercredi après-midi collé pour avoir oublié son cahier. Il faut lire derrière ces mots « interpellation »,« interrogatoire » et tout le jargon juridique qui va avec. Le procureur a un peu moins froid aux yeux quand il a prétendu que « Plusieurs enfants ont eu des propos inquiétants. Ils ont dit au professeur « Toi aussi, on va te tuer ». Il est revenu dessus le lendemain même. Les 3 garçons ont avoué certains propos, sans reconnaître explicitement les menaces de mort. Mais que valent ces mots d'enfant ? Dans un commissariat, entouré de flics, interrogés pendant plus de 10 heures, ils auraient sans doute pu avouer n'importe quoi. Moi, je dis que si on insultait le prophète, on pouvait brûler en enfer dans un autre monde. Mais menacer le maître, non. L'éducation nationale a 2 protocoles pour gérer des incidents jugés graves. Le premier s'appelle « information préoccupante » et permet de saisir les services sociaux et une cellule spécialisée du conseil départemental qui prendront contact avec les familles dans le cadre d'une enquête sociale. Le second consiste à saisir directement le procureur, sans en informer les familles. Du professeur et directeur de l'école au procureur en passant par le directeur d'académie, personne ne s'est dit qu'il suffirait peut-être de rencontrer les parents pour empêcher cette escalade juridique. Omnibulés par la recherche de dangereux terroristes, ils ont préféré interpeller et interroger des enfants. Pourquoi l'école ne nous a pas contactés ? Le maître nous connaît. Il est très bien et cette école aussi. Après le confinement, le directeur nous appelait même le dimanche pour prendre des nouvelles du petit, savoir s'il faisait ses devoirs. Pourquoi il ne m'a rien dit le mardi ? Tout cela nous blesse. C'est la première fois de ma vie que j'entre dans un commissariat. On me prend mes empreintes, de l'ADN, on m'interroge sur ma religion, si je pratique l'islam, si je vais à la mosquée, ce que je lis. J'ai le droit d'être musulman tout de même. Et dans notre mosquée, on interdit les extrémistes. Tout le monde le sait, on fait une porte ouverte tous les ans. Alors maintenant, je suis fiché S. Le lundi des hommages, au lycée Le Mans Sud, une proviseure appelle la police après avoir vu un de ses élèves photocopier un papier avec des inscriptions en arabe, au CDI. Les flics interrogent le jeune et appellent des spécialistes à la rescousse pour traduire le papier. Selon le parquet du coin, les inscriptions ne revêtent finalement aucune qualification pénale ni intention coupable. Autrement dit, c'était bien de l'arabe normal, pas de l'arabe de terroriste. Les services de l'État dans leur ensemble, la préfecture, l'éducation nationale, la police, la justice, ont strictement respecté le cadre légal, avec rigueur et dans le respect des droits de chacun. Qu'est-ce que le respect du droit de chacun quand il autorise une telle inquisition ? Le communiqué du ministère de l'Intérieur est juste sur un point. Il met au même niveau les autorités administratives de l'État. Quelles sont les différences entre un directeur d'école ou d'académie, un procureur, des policiers, quand ensemble ils respectent le cadre légal avec rigueur, criminalisant des enfants de 10 ans et leurs familles, les fichant radicalisés, donc terroristes? Et sur quelle base, si ce n'est des mots d'enfants obtenus sous la menace, ou peut-être leur couleur, leur nom, ou leurs opinions religieuses? Moi, on m'a interrogé sur ce que je pensais de Macron et d'Erdogan. Je leur ai dit que j'irai pas sur ce terrain, que la politique je ne connais pas, qu'on va pas mélanger la politique et l'école et les enfants. À travers cette minute de silence, l'État se sert des enfants comme d'une vitrine dans sa croisade antiterroriste, vidéos et photos à l'appui. La République serait indivisible. C'est sans compter sur la diversité des opinions. Blanquer avait prévenu, les manquements aux perturbations seraient sanctionnés. Il impose donc au nom de la liberté d'expression. Quelle contradiction! Les interpellations que nous faisons sont souvent le fait de jeunes personnes entre 12 et 16 ans et qui utilisent des mots extrêmement crus et dont nous apercevons que les enquêtes démontrent une habitude face à l'hyperviolence et notamment l'hyperviolence inspirée de l'État islamique extrêmement préoccupant. L'organisation État islamique est-elle la seule inspiration violente à souligner dans notre société? La violence systémique de la police, raciste, s'adresse, elle, directement à ces personnes suspectées de terrorisme. C'est une mise en pratique des discours politiciens, qui alimentent peur et haine. Les discours qui veulent qu'on surveille notre voisin non-blanc, parce qu'il est différent, qu'il n'a sûrement pas sa place face à la République. Sur toutes les chaînes et tous les journaux, à grand renfort de billets des actionnaires médiatiques, on n'a que ça à la bouche, au point d'en vomir, et de plus réussir à penser à autre chose. Plus de 30 ans de lois antiterroristes, de polémiques et lois sur la laïcité, et dernièrement, l'état d'urgence sanitaire. Tout cela criminalise les différences, les résistances à l'État et les alternatives au dogme néolibéral. Pourtant, ça semble pas changer grand-chose aux attentats dégueulasses qui nous reviennent dans la gueule, de fondamentalistes islamistes ou de fascistes. L'ingérence économique ou militaire de la France dans ses anciennes colonies et zones d'influence n'inspire-t-elle pas aussi de l'hyperviolence ? Cette histoire n'en est qu'une parmi les 400 violations de la minute de silence. Ce n'est que quelques articles dans la presse, quelques mots accordés par le ministère de l'Intérieur. Mais combien de fois se répète-t-elle sans que personne n'en sache rien? Que personne ne puisse se révolter de cette hyper-violence pénale et raciste. Les signaux faibles de radicalisation ne sont pas anodins et doivent être signalés. Si vous pensez être en lien avec une personne raciste ou en voie de l'être, ne restez pas sans rien faire et partagez votre questionnement sur sa situation. But they do real stupid things, but they YouTube chat to them, because you're never good friends. Politicians in my eyes.